Ludo in the mix. Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Des gens qui devant vous vous complimentent et qui derrière souhaitent votre descente. Donc ne ratez pas le coche, car ce défaut peut très bien aussi toucher vos proches. Funk, oh voilà la paire qui se veut funk. Prenez vos marques car le duo redébarque. Right from the start, yeah. Giving the truth from every part, uh-huh. Making it plain, it's always coming from your heart. Je parle, tu sais ce qu'il en coûte. Le regard d'autrui vis-à-vis de moi. Je vois, non, le blanc de l'œil ne trompe pas. Les regards sincères sont appréciés. Les regards pervers sont déviés. Bien choix dans la vie. Que le simple A3 de l'alliance flotte sur les murs. Car les murs n'existent plus, quoi, quoi. Chacun veut savoir ce qu'autrui a vécu. Et oui, car maintenant la vie de son prochain passe avant la sienne. Comprenez ceci dans le mauvais sens du terme. Car la réussite gêne. L'envie est naturelle, mais quand celle-ci est malsaine, ça nous donne self-destruction. Et tu le sais, self-destruction. Mais tu le fais. Bon, ok. Tout le monde souhaite le bonheur à autrui. Mais une fois que ce dernier est possédé, on vous hait. Alors éclairez-moi, dites-moi. Jongler devrait-on mieux s'entourer. Dans ce cas, tu fais ton choix et tu vois. Jealousy, gotta do what's right for me. Fais un choix dans la vie. Gonna be honesty or jealousy. Dis-moi de quoi tu parles. But what can she do? Tell me, baby, yeah.

Ludo in the mix. Sur Sorgia FM. وكنتو اترونجي وهاي كنت حاسس في بلاديك وهنايا نموتو يا كوم سا فو مافي تخايي كوم سا وهاكدا لقيتو هادي هاكدا كوم سا فو مافي تخايي كوم سا وهاكدا لقيتو هادي هاكدا شفتكم اللي تغني اللي وين اللي حبيبها ايها بورتو زيت هنا وهذا الشيء حرام يا ما شفتكم اللي تغريب اللي وين اللي حبيبها ايها بورتو زيت هنا وهذا الشيء حرام يا كوم سان فو ما بيت هاي كوم سان وهكذا لقيتو هذه يا هكذا كوم سان Vous m'avez trahi comme ça. Hakedan, que tu es bien, Hakedan. Parisien du Nord, clan d'eau d'abord. Actif dans la musique sans face fort, c'est le talent d'abord. C'est comme le padré qui a taffé ramé pendant des années. Des exploitants que je me ferai un véritable plaisir de caner. Je suis pas violent, mais tant d'années à 5000 francs par mois, c'est fané. Et pour les jeunes, c'est la tannée. N'en fallait pas faire l'erreur, l'assimiler. Face à ces professions, ce ne sont que des bassesses de vocation. La leçon à en tirer, c'est quoi que tu dises, quoi que tu fasses. T'es embauché tant qu'on n'a pas vu ta face. Je veux voir les jeunes PDG dans leur bureau, gérant leurs entreprises comme on gère des kilos. C'est pas dur, je veux voir des sous-bouffeurs au mur. Je veux voir des sœurs comme chef ou secrétaire, quitte à pour leurs compétences et non pour leur derrière. Je veux enfin que les jeunes pèsent, à vrai dire. Ludo in the mix. Mesdames et messieurs, approchez-vous sans bousculade. Servez-vous du gin pour les antillais de limonade. Le ballon brûlant, alors qu'il y a eu la pluie ce soir. C'est organisé dans un esprit cool. Faites pas, ça peut bien être, tous les problèmes s'effacent. Et de ce fait, de peu préoccupé du temps qui passe. Cette réunion d'arrêt se poursuit pas jusqu'à l'aurore. Le seul but à atteindre est que tu puisses bouger ton corps. Nous restons libres comme l'air à la cadence d'esprit. Et toujours fidèles à cette ambiance qui nous emporte. Laisse-toi bercer par cette thérapie musicale. Oublie les cœurs à l'extérieur, c'est bien le principal. J'estime que cette musique est vraiment à la hauteur. Amuse-toi, apprécie-la à sa juste valeur. De la chute de terrain, c'est un mouvement du bassin. Un geste qui s'amplifie à chaque pas, ça tu refrains. Lève les bras, balance-toi ce rythme de nos voix. Laisse le goût guider tes pas. Lève les bras, balance-toi ce rythme de nos voix. Je n'ai pas le d'or, clap sur la bulle dans cet astre mûle hors corps. De parents à dedans, j'ai le mal de mer. Mais je me laisse tenter par le flot d'un dernier verre. Dès lors, je découvre l'évidence. Une poésie musicale qui active tes sens. Sans excès, la soirée se déroule. Les bandits ce soir n'ont pas mis de cagoule. Un visage découvert, tout un même univers. La nuit est à son paroxysme pour nos santé de fer. Je ne remarque rien d'étrange dans les comportements. Juste un excès de fantaisie dans les débranchements. La boule, la facette, en tête l'image du genre qui font la fête. De la chute de terrain, suite à mouvement du bassin. Un geste qui s'amplifie à chaque passage du refrain. Lève les bras, balance-toi ce rythme de nos voix. Laisse le goût guider tes pas. Lève les bras, balance-toi ce rythme de nos voix. Laisse le goût guider tes pas. Ma voix sans la musique comme une coulée de viol. Mets dans le volume car les imprésents te sont parfaits. Le contrat est rempli, nous sommes là pour faire bouger la masse des hommes sur des œuvres de tuyaux. Mets-toi à l'aise et si tu tapes, balance-toi. Nous sommes là pour vous servir. d'un mouvement du bassin. Un geste qui s'amplifie à chaque pas que tu refais. Turn the lights down low. 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Oh, should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. We'll be right back. the mix. Ludo in the mix. Yeah. Ludo in the Mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sanji FM. Ludo in the Mix. Ludo in the Mix. Ludo in the Mix. Ludo in the Mix. At the space where his wife once was, wants to find us something to believe in. He hears a knock at the door this eve. She says, I'm going to New York City to follow my dreams. Would you come with me? Little girl, only 17 years old, looking at the stars in her granddad's eye. And his dreams get a little bit wider, but to looking for a girl like me. I'm looking for. vida. Esa latina está rica. I wanna find me a chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you when I need ya. All of my life, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, the real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Caliente off the meter. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentira. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. La, la, la, so they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Oye, mami, estoy buscando una chica. Oye, mami, estoy buscando una chica. Quiero otra, así eso es. Latinas.

Did you get enough? Does it set on fire all the stains that you touch? And it fills me up, and it starts to shine, and I see it burn when you bring me so light. Starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight. Is it all you need to feel this heat? To feel like everything's all that you dreamed? Is it all too much? Is it getting up? Does it set on fire all the things that you touch? Ludo in the mix. It starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight, and it fills me up. And it starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight. Ludo, it's all you need to feel this heat, to feel like everything's all that you dreamed. And is it all too much? Did you get enough? Does it set on fire all the Ludo things that you touch? And it fills me Ludo up, and it starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight. Oh, yeah. haikolana buso wami aukolana ilondoloze zuhambe nami jauho yami alikolana buso wami aukolana ilondoloze. Ludo in the mix, Ludo in the mix, Ludo in the mix, Ludo in the mix. Ludo in the mix, Ludo in the mix, Ludo in the mix. Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze. Ludo in the mix, Ludo in the mix, Ludo in the mix. We finally here, right? Well, we. It's Friday then. It's Saturday, Sunday. faire bouger sans tabou, sans pression ni relâche jusqu'au bout. Partager ma passion, cela vous donne des risques. D'innover le maximum sur cette piste, allons jusqu'au sommet où j'insiste. Effaçons toutes les tensions, ce soir c'est des solaires. Quand je prends le mic, je m'enflamme, je vous sens bien rentre mesdames. C'est ça que je veux mettre le feu. J'en la chaleur qui s'installe, certains talents se dévoilent. De mieux en mieux.

Ludo in the mix. Ludo in the mix. Ludo in the mix. Le mix de Ludo le vendredi, le samedi soir sur Sorgia FM. Vendredi, le samedi soir sur Sorgia FM. Le mix de Ludo le. Le mix de Ludo le. Le mix de Ludo le vent. Le mix de Ludo le vendredi, le samedi soir sur Sorgia FM. Sur le 91 et le 102.5, Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. FM. Plus proche de chez vous. Plus proche de chez vous. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Sorgia FM.

hyper, hyper. Hyper, hyper. So beautiful to see your hands in the air. Put your hands in the air. Come on. This is Scooter. We want to say a big shout to you.